vois même sans alcool, j'ai perdu la magie. Lessivé par l'infernale cadence de la machine, le décor est déprimant, vide comme un écran d'accueil sans notif. Pour m'enfuir de cet environnement nocif, j'ai plus de 100 motifs. Les alentours me détournent du réel. Au milieu des tours, on oublie tous que la nature est belle. Quand on se lamissait le béton, l'air se fait rare, tu te sens sous pression. Tout me semble breton comme le ciel breton. Chemin semé d'embûches et d'embuscades, j'erre sans but, la tête embrumée parmi ceux qui ont bu tard. J'écris dans ma bulle, hors du temps, loin des gens qui déambulent. Hier c'était dans le bus, aujourd'hui c'était sur le banc d'une gare. Les journées se suivent et sont toutes similaires. L'impression d'avoir déjà vécu plus similaire. On t'a fait croire que tous les problèmes sur terre se réglaient par la force. Évidemment, y'a plus grand monde qui se parle à force. Plus de patience pour ce quotidien poussif. Trop furieux pour la routine, trop curieux pour la poursuivre. Abîmé par les faux semblants. Mais comment s'ouvrir au vrai quand tu dois souffrir en vain tout en gardant le sourire aux lèvres. Climat glacial dans la jungle de l'hibernation. J'ferme les yeux, j'passe en mode hibernation. Ferme les yeux, je passe en mode hibernation. Le temps nous rend malade, le cadre en costumeur. Ça me fait plus rêver de devenir cadre en costume. Tous ces jeunes aimeraient bien savoir ce qu'ils feront de leur vie. Les adultes aimeraient bien savoir ce qu'ils feront de leur vide. Perdu dans la quête immodérée de la médaille. Quel est l'intérêt d'être à la mode si la médaille. Je passe plus de temps dans les transports en commun qu'avec ma mère. Même chez ma chaque semaine, c'est juste à l'excès que ça mène. Les doutes se succèdent, le vacarme m'ulcère. Ne confonds pas tes rêves et leur étroite vision du succès. Garde ton sang-froid quand tes idées noires te malmènent. Chacun fait semblant de très bien savoir où son chemin l'emmène. Destin symétrique à celui de la planète. On tourne en rond dans un système dont les démarcations ne sont pas nettes. C'est l'alerte qu'on sonne. Si les hommes aiment en rester aux manettes, c'est sûrement parce que ça les console. Je te mens pas, presque tous mes potes m'en parlent. De cet univers figé qu'on trouve désespérément plat. Tout est fade et sans saveur, les esprits se laissent aller. Quand les victoires sont amères, forcément la facture est salée. D'humeur instable, on écoute peu son instinct. Malgré le confort matériel, ici c'est rarement l'extase. Beaucoup de gens manquent d'estime, abusent de la modestie. J'ai perdu ma confiance à force de trop traîner sur Insta. L'histoire n'est qu'un immense récit sans trame. L'imperfection règne en maître, aucune trace de vie sans drame. Tiraillé par les efforts nécessaires pour s'assagir. Faire des choix, c'est renoncer. Conséquences, on renonce à choisir. Climat glacial dans la jungle de l'hibernation. Je ferme les yeux, je passe en mode hibernation. Je ferme les yeux, je passe en mode hibernation.